Les éditions de l'Avenir présentent Relation des Jésuites, retenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relation de 1611. Chapitre 19. Comme Madame la marquise de Guercheville obtint du roi les terres de la Nouvelle-France et le secours qu'elle y moyenna. Le sieur de Poitrincourt, étant retenu en France au mois d'août de l'an 1611, ainsi qu'a été dit ci-devant, éventait de tous côtés la trace et le moyen de pouvoir secourir ses gens, lesquels il savait ne pouvoir longtemps durer sans renfort et ravitaillement nouveau. La peine était de trouver quelque bonne éole, roi des autans bursins, qu'il ait voulu donner, non comme ils le furent à Ulysse, lié dans le cuir pour ne souffler pas, ainsi délié et de bon cours pour bouffer dans les voiles, car sans cela, point de navire ne saurait avancer. Or, considérant que Madame la marquise de Guercheville affectionnait extrêmement la conversion des sauvages, qu'elle avait déjà procuré des aumônes aux jésuites, à laquelle il faisait fort bon accueil, et voyant que plusieurs rares vertus brillaient en elle, il cuida qu'elle pourrait bien incliner à cette bonne œuvre. Il lui en parla, et la dite dame répondit que, volontiers, elle entrerait en l'association que le sieur Robin et les Jésuites avaient avec lui pour le secours de Canada, moyennant que ce fût de la bonne volonté des associés, et qu'elle les aiderait tous de bonne affection. Vous pouvez estimer si les Jésuites devaient résister à cette proposition, aussi le sieur Robin en était mal content, à qui Jacques Canada ne pesait que trop. Ainsi donc, contrat fut passé d'association, la dite dame étant, à ce, autorisée par le sieur de Liencourt, premier écuyer de sa majesté et gouverneur de Paris, son honoré et digne mari. Par ce contrat, était arrêté qui celle dame donnerait présentement 1000 écus pour la cargaison d'un navire, et moyennant ce, elle entrerait en part, et des profits que ledit navire rapporterait du pays, et des terres que sa majesté avait données aux dix sieurs de Poitrincourt, ainsi qu'il est amplement porté dans la minute. En ce contrat, le sieur de Poitrincourt se réserve Port-Royal et ses terres, et dit n'entendre point qu'il entre en division ni communication des autres seigneuries, caps, havres et provinces qu'il donne à entendre d'avoir aux dix pays, outre Port-Royal. Or, Madame la marquise somma le dit sieur de Poitrincourt de produire les papiers et instruments par lesquels il consta de ses siennes appartenances et domaines si grands. Il s'excusa, disant qu'il les avait laissés en la Nouvelle-France. Cette réponse fit soupçonner la dite dame, et, comme elle est prudente, enjeu ne lui manqua pas pour se garder d'être surprise, car elle fit, avec le sieur Pierre Dugas, dit de Mont, qu'il lui rétrocéda tous les droits, actions et prétentions qu'il avait et avait tant eu en la Nouvelle-France à cause de la donation à lui faite par feu Henri le Grand. Item d'autre part, elle impétra lettre de sa majesté à présent régnant, par lesquelles la donation lui est faite de nouveau de toutes les terres, ports et havres de la Nouvelle-France, dès la Grande Rivière jusqu'à la Floride, hormis seulement Port-Royal. Et, en cette façon, celui qu'on eût pensé être le plus fin, se retrouva, contre son opinion, serré et confiné en prison dedans son Port-Royal. Parce qu'en vérité, il n'a, ni n'a jamais eu, autre terre, cap, ni havre, île, ni continent, sinon Port-Royal et sa côte. Là où maintenant la dite dame tient tout le reste pour double titre, savoir est, et de donation ou cession du sieur de Mont, et de donation nouvelle faite par sa majesté à présent régnant. Or, Icelle, craignant que son argent ne fît naufrage avant de monter sur mer, elle l'avait confié entre les mains d'un jésuite coadjuteur, qu'on envoyait à la Nouvelle-France pour aider les prêtres qui déjà y étaient. Le jésuite devait consigner cet argent à Dieppe entre les mains d'un marchand, qu'il employa en l'achat de victuailles, marchandises et affrètements. Mais il fut trop à la bonne foi, car à la réquisition du sieur de Poitrincourt, il s'en laissa tirer 400 écus, sans autre question que d'en retirer une cédule. Ainsi, il n'y eut que 600 écus employés et tout cet affrètement emplette bien digne de Canada. Ce n'est pas tout. Le sieur de Potrincourt commit à l'administration du navire et maniement des affaires un certain sien serviteur, appelé Simon Imbert, anciennement tavernier à Paris, et alors cherchant parmi les bois de la Nouvelle-France de quoi payer ses créanciers. Le navire appartenait à un capitaine appelé Nicolas Labbé, de Dieppe, honnête et sage personne. Ce navire donc, ainsi équipé et frété, partit de Dieppe le 31 de décembre, au plus fort de l'hiver, et parvint heureusement à Port-Royal le 23 de janvier, en l'an suivant, 1612, n'ayant consumé que 2 mois en chemin. Chapitre 20. Le commencement des disputes entre le sieur de Biencourt et les Jésuites, et les causes d'Icelle, l'accusation confie de Gilbert Duthay, et sa défense. La joie fut grande, au secours de cette arrivée de navire, pour l'étroite nécessité où ils se retrouvaient, et les frayeurs qu'ils avaient conçues de l'avenir. Mais cette réjouissance ne fut pas longue, car le sieur de Biencourt, n'étant point à son aise dès que Simon Imbert lui eut porté nouvelle de l'association faite avec Madame la marquise de Guercheville. Or, parce que le jésuite, Gilbert Duthay, étant dans le navire, quoiqu'il ne se fût mêlé des affaires, toutefois n'avait pas été si borgne, comme l'on dit, qu'il n'y eût toujours vu d'un œil, comme il en avait charge et commandement, et celui donc, pour s'acquitter de son devoir et garder le droit, s'en allant trouver le sieur de Biencourt, en présence du père Billard, lui dit qu'il s'émerveillait bien fort que Simon Imbert, ayant eu l'administration de tout l'embarquement, ce néanmoins, il n'avait apporté aucun rôle ni charte partie, ni mémoire de ce qui avait été embarqué, ni où, ni comment l'argent de Madame la Marquise avait été employé. Qu'il devait bien l'avoir fait au moins pour justification de sa probité et bonne foi même, puisqu'il apportait plusieurs marchandises qu'il assurait être à lui en propriété, et desquelles on pouvait avoir soupçon qu'il se fût accommodé au détriment de la dite dame et d'eux. Qu'il ne voulait point l'accuser avant que de l'avoir trouvé coupable, néanmoins, qu'avant aussi de le reconnaître non coupable, il y avait bien de quoi s'enquérir en tout cela, et même de ce qu'il avait vendu à Dieppe du blé qui lui avait été donné pour l'embarquement, chose qui tournait au grand préjudice de l'habitation, laquelle défaillait principalement en victuailles. Item, qu'il comptait 7 barils de galettes dépensées durant le voyage, il ne disait rien que de ces 7, il y en avait 2 qu'un certain Robert de Rouen avait fourni pour sa part. Car, en cette façon, il ne fallait pas compter sur la compagnie 7 barils, ainsi 5 étant seulement. Qu'on suppliait le dit sieur de s'enquêter de toute l'affaire prudemment, et s'y conduire toujours comme nous devons partout, avec charité et retenue. Telle fut la simple remontrance que lui fit le jésuite, et le sieur de Biencourt a souvent, depuis, rendu témoignage qu'on ne lui pouvait indiquer ce ménage avec plus de modestie qu'on le fit. Néanmoins, au lieu de faire ce de quoi on l'avait requis, et à quoi il était tenu, il s'en alla rapporter le tout au dit Simon Imbert, ajoutant que le jésuite coadjuteur l'avait accusé. Or, quels conseils furent pris là-dessus, et quels menés sous prétention, je n'en sais rien. Tant il y a que, comme de petites exhalaisons et vapeurs qui, au commencement, ne sont rien, s'élèvent d'épaisses nuées, vent furieux et horrible tempête qui, à trait de temps, s'effarouchent et gâtent les campagnes et moissons, ainsi, de ce peu de cause, par l'agitation de l'esprit malin, se grossit en un tourbillon malencontreux de discorde qui a dissipé et ravagé tous les fruits et les espérances de ce premier ressartement. Car Imbert lui dépeignit l'association faite avec la dame marquise de Guercheville comme un moyen inventé par des jésuites afin de l'expulser hors de ses amples seigneuries de Canada. Or, les jésuites n'étant point aises de se voir loger en si joli prédicament, par 2 fois, en présence du sieur de Biencourt et de toute l'habitation, convainquirent de fausseté le dit Imbert par les témoins mêmes qu'il alléguait, et en la seconde, le pressèrent tellement qu'il fut contraint de dire qu'il avait été ivre quand il avait ainsi parlé. Des quelles vérités et innocences, il y a bons et authentiques actes et témoignages faits et rendus juridiquement à Dieppe par devant le magistrat après le retour du navire. Chapitre 21. Un voyage du père Edmond, mêlé à un autre du père Billard. Ma réconciliation ayant été faite depuis, et toute chose pacifiée, les jésuites, se radonnant à l'étude et apprentissage du langage sauvage, estimèrent un bon moyen de s'y contraindre et d'apprendre mieux les us, façons de vie du pays, s'ils allaient et demeuraient avec les naturels, errant et courant avec eux par monts et par vallées, et vivant à leur mode quant au civil et corporel. Ils s'offrirent à Louis Mamberto pour, en cette façon, demeurer avec lui, s'il lui plaisait l'agréer, ce qu'il accepta fort volontiers. Le père Edmond Mas, comme il est courageux, voulut que cette entreprise fût pour lui. Aussi fut-il jugé plus propre à cela, par la commune voix de la communauté, à cause de son industrie et engin pratique, comme de trouver tout remède à tout inconvénient. Il s'en alla donc avec Louis Mamberto et sa famille, au-delà de la baie française, à la rivière Saint-Jean, et commença son noviciat de cette vie nomade, bien dure et de fort essai. Cette vie est sans ordre et sans ordinaire, sans pain, sans sel, et souvent avec rien. Toujours en course des changements, au vent, à l'air et mauvais temps, pour toi une méchante cabane, pour reposoir la terre, pour repos les chants et les cris odieux, pour remède la faim et le travail. C'était, à la vérité, une règle bien forte. Le père Edmond, afin de garder partout l'honnêteté religieuse, avait amené avec lui un jeune garçon français bien gaillard, qui l'aidait, l'assistait partout, et lui servait la messe. Mes maîtres et serviteurs se trouvèrent bientôt examinés par une diète très grande. Tout leur embonpoint déchu, et leur force, couleur et gaillardise. Les jambes leur devinrent grosses et pesantes, les esprits assoupis. À cela succéda une fièvre lente, laquelle, toutefois, se passa bientôt, et depuis, peu à peu, ils prirent pli et revinrent à la vigueur. Le père Edmond y pensa perdre la vue sans aucun mal Dieu. L'atrophie, à mon avis, causait cette débilité des sens et des esprits. Pendant ce temps, le père Billard demeurait à Port-Royal, ayant pris avec lui un sauvage qu'il nourrissait et dont il se servait comme maître en langue sauvagine. Il le nourrissait, dis-je, de ce qu'il avait pu épargner de son ordinaire, et même le servait, parce que les sauvages, ou de paresse, ou plutôt de hauteur de courage, ne se daigneraient faire aucun service, comme d'aller à l'eau, au bois, à la cuisine, d'autant que, disent-ils, cela appartient aux femmes. Il entretint donc ce sauvage, et fut son apprenti en langue 3 semaines. Mais il ne put plus longtemps, faute d'avoir de quoi se nourrir, ce qui lui fut fort grief, parce que ce sauvage était de bon naturel et demeurait avec lui bien volontiers. Or, tandis que le père Edmond était malade entre les sauvages, arriva une plaisante rencontre. Le dit père, s'étant cabané à part pour cause de sa maladie, Mamberto le vint trouver fort en peine et lui dit « Écoute, père, tu t'en vas mourir, je le devine. Écris donc à Biencourt et à ton frère que tu es mort de maladie, et que nous ne t'avons pas tué. Je m'en garderai bien, dit le père Edmond, car possible qu'après que j'aurais écrit la lettre, tu me tuerais pendant que tu porterais la lettre d'innocence que tu ne m'aurais pas tué. Le sauvage revint à lui et se reconnut, car il n'est pas lourd. Se prenant à rire, bien, dis donc, dit-il, prie Jésus que tu ne meures pas, afin qu'on ne nous accuse de t'avoir fait mourir. Ainsi fais-je, dit le père Edmond. « N'aie peur, je ne mourrai pas. » Sur la fin d'août de cette année 1612, le sieur de Biencourt voulut aller à la baie des Mines, à 21 ou 22 lieues de Port-Royal. De vrai, il y allait bien mal en conche, dans une piètre chaloupe, n'ayant que pour 8 jours de vivres, et manquant de toute autre provision. Le père Billard, néanmoins, s'offrit de l'accompagner, parce que le dit sieur promettait de chercher des nouvelles du père Edmond, duquel, depuis 2 mois, nous n'avions rien ouï, et nous craignions fort qu'il ne fût tombé en quelque inconvénient ou maladie. Or, quoique si mal approvisionné, toutefois, nous n'allâmes pas seulement à la baie des Mines, mais à Chiniquetou. Champlain appelle cette baie la baie des Gênes. À ce Chiniquetou, il y a de fort belles prairies à perte de vue. Plusieurs rivières se déchargent dans cette baie, et, par l'une d'elles, on monte bien haut pour aller à Gaspé. Les sauvages de cet endroit peuvent monter à 60 ou 80 âmes. Ils ne sont pas si vagabonds que les autres, soit parce que le lieu est plus retiré, soit qu'il est plus abondant en chasse, n'étant pas besoin d'en sortir pour vivre. Le pays est, pour la plupart, agréable et, à mon avis, de grande fertilité, s'il était cultivé. Il est dans le 46e degré d'élévation polaire. À notre retour de la dite baie, Dieu nous préserva deux fois de la tempête, et la troisième fut celle que je vais raconter. Nous n'avions apporté que pour 8 jours de vivres, et déjà, il y en avait 15 de notre départ. Le mauvais temps nous tenait au-delà de la baie des Mines, du côté de la rivière Saint-Jean. Si la contrariété des vents eût duré, c'en était fait, il fallait mourir de faim, car nous n'avions rien. La nuit venue, le père Billard persuada la compagnie de faire un vœu à notre Seigneur et à sa benoîte mère, que s'il leur plaisait nous donner vent propice, les 4 sauvages qui étaient avec nous se feraient chrétiens. Les sauvages en furent bien contents, et ainsi le vœu fut fait. Le matin venu, le vent fut éveillé tel qu'il nous le fallait, et à sa faveur, nous traversâmes la baie, qui est de 8 lieues de large. Or, arrivés à terre du côté de Port-Royal, le vent nous manqua, et nous avions la marée contre nous, à 15 lieues jusqu'à Port-Royal. À cette cause, le sieur de Biencourt nous quitta, aimant mieux s'en aller à pied avec les sauvages. Mais il fut trompé, car aussitôt qu'il nous eut délaissés, le bon vent nous revint, à l'aide duquel, et du bon courage des compagnons, nous arrivâmes ce même jour à Port-Royal, là où le dit sieur ne revint que 3 jours après, ayant assez pâti. Or, les sauvages étaient prêts à recevoir le Saint-Baptême, mais on n'avait pas de quoi les nourrir 4 ou 5 jours qu'il eût fallu pour les catéchiser, car tout nous manquait. On les différa jusqu'à ce que le navire fût revenu, qu'on attendait de jour en jour. Mais l'attente fut vaine, et ainsi, l'occasion de ce bien se perdit, à notre grand regret. Or, le père Billard revenait à la maison, comme il était bien aise d'avoir si merveilleusement évadé la mort, la faim et les orages, aussi était-il bien triste de n'avoir su aucune nouvelle de son cher confrère, le père Raymond, qu'il aimait uniquement. Mais Dieu le réjouit pleinement ce même jour, car, comme si le rendez-vous leur eût été donné, il arriva le jour même, sur le soir, sain et sauf, et chargé de mérites et de bonnes œuvres, tant pour avoir beaucoup pâti, comme pour avoir mis au paradis quelques âmes qui étaient passées aussitôt le Saint-Baptême. De vrai, ils eurent tous deux grande occasion de bénir leur bon Dieu et Seigneur, qui les consolait si paternellement et si visiblement les protégeait en tout et partout.